Bonjour à toutes et à tous, Serge en votre compagnie pour les 60 minutes à venir sur Fadjet, c'est l'émission Coup de cœur. J'espère que vous allez bien. Ma mission aujourd'hui est de vous faire écouter le maximum de jolies chansons pendant les 60 minutes qui vont suivre, également de vous parler de la carrière, de la vie d'un artiste. Aujourd'hui, ça va concerner plusieurs décennies. Alors, de qui s'agit-il ? Notre coup de cœur aujourd'hui, c'est ça. Je dirais même plus. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. S'étourdir à coups de décibels, on va se glisser dans la ronde des belles. Assis devant mon whisky, moi j'ai vu deviner qui. Ça y est, vous l'avez reconnu, bien sûr, il s'agit de François Valéry. François Valéry, mais on écoutera également un mystérieux Claude Lara, Dalida, Mike Brandt, Michel Thor, Sophie Marceau, Patrick Fiori, Michael Jackson, Claude François, si le temps nous le permet. Je vous rappelle qu'on n'aime pas trop dans notre émission couper une chanson, ne pas mettre le début, parce que l'introduction musicale, c'est important, la fin de la chanson quelquefois aussi. Donc exceptionnellement, aujourd'hui, le programme est chargé comme d'hab, il n'y aura pas de version longue. Alors, on revient à François Valéry. C'est dans la ville d'Oran que Jean-Louis Mougeot, alias François Valéry, voit le jour le 4 août 1954. Cadet d'une fratrie de 7 enfants, le petit garçon doit faire face dès l'âge de 3 ans à l'absence de son père. Alors qu'il n'a que 8 ans, sa famille prend le bateau pour la France France suite à la signature des accords d'Évian marquant l'indépendance de l'Algérie. En métropole, la petite famille s'installe alors dans un appartement peu spacieux. 6 ans plus tard, l'adolescent envisage de devenir footballeur, mais c'est sans compter sur un cadeau de sa mère qui va changer l'horizon du jeune homme. Le cadeau, c'était une guitare. Après avoir fait ses armes au sein d'un groupe d'amis, Jean-Louis, c'est son vrai prénom, tente sa chance lors d'un radio-crochet animé par Philippe Bouvard dans l'émission RTL Non-Stop. Il n'a que 19 ans quand paraît son premier album appelé « Et puis c'est tout », sorti sous le pseudonyme de Claude Lara. Ce disque lui ouvre les portes de certaines maisons de production. On va écouter ce fameux Claude Lara. Une fille qui part, une autre qui revient, qui peut me dire enfin ce que sera demain. Moi je ne le sais pas, j'espère chaque fois, peut-être un certain jour, je connaîtrai l'amour. Nous dormirons ensemble ce soir ou n'importe quel soir. Et puis c'est tout, je me réveillerai. Toi tu seras levé, tu me diras bonjour. Il est tard, je m'en vais. Et puis c'est tout. Je fais semblant d'y croire, même si ça me fait mal. Ainsi passe ma vie, ses rires et ses fleurs. Mais dans ma sombre nuit, pas la moindre lueur. Nous dormirons ensemble ce soir. Je me réveillerai, toi tu seras levé, tu me diras bonjour, il est tard, je m'en vais, et puis c'est tout, et puis c'est tout, nous dormirons ensemble ce soir ou n'importe quel. Je me réveillerai, toi tu seras levé, tu me diras bonjour, il est tard, je m'en vais, et puis c'est tout, et puis c'est tout, nous dormirons ensemble. La voix de François Valéry était, je pense, identifiable par rapport à des fois les surprises que nous avons en écoutant les premiers titres de certains interprètes. C'était donc son premier titre, et puis c'est tout, il s'appelait à l'époque Claude Lara. Maintenant, je vous laisse en compagnie pendant quelques instants de Dalida, L'Innamorata, chanson écrite par François Valéry. On en reparlera un tout petit peu plus tard. J'ai besoin de rien, de pain, de vin, et je me sens bien. Je je t'aime sans me brûler, sans ouvrir les bras. Cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Alors pourquoi François Valéry ? Explication. En 1974, notre coup de cœur rencontre Jean-Pierre Barkoff, l'agent artistique de Mike Brandt, et il prend le pseudonyme de François Valéry en consultant Jacqueline Torgman, secrétaire de Marcel Amont et voyante. Et figurez-vous que la même année, c'est l'élection présidentielle qui oppose François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. François Valéry. Voilà, il connaît ses premiers succès avec Une chanson d'été, en 1974 toujours, qui reste classée dans les hit-parades pendant 26 semaines. Également, Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson en 76 et Emmanuel en 80, que l'on a écouté en tout début d'émission. On l'écoute et puis ce sera Mike Brandt, bien ce soir. J'aperçois déjà tes cheveux parmi toutes les filles de la plage. Tu viens de te retourner, voilà que tu me souris et tu cours de mon côté. Je sais que pour toi aussi rien n'a changé. Ne s'oublie jamais tout à fait pour ceux qui s'aiment. Une chanson d'été que je retrouve l'année d'après, toujours la même. Une chanson d'été sur laquelle je t'ai demandé, est-ce que tu à ce jour, j'espérais sans vouloir y croire que j'allais te retrouver, t'embrasser, te caresser, ne plus jamais te quitter. Et voilà, mon rêve s'est réalisé. Pour ceux qui s'aiment, une chanson d'été que je retrouve l'année d'après, toujours la même. Une chanson d'été sur laquelle je t'ai demandé, est-ce que tu Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui, que les jours sans elle me semblent moins longs. À mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'amour vaut, j'aime vivre, que je ne suis plus seul. J'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu jamais dis-lui, je ne pense à elle quand tu la verras. Dis-lui, oh, oh, oh, dis-lui. C'était Mike Brandt, mais j'espère que vous avez rectifié mon erreur. Il y a eu tromperie sur le titre. C'était pas « Viens ce soir », mais « Dis-lui ». Vous avez rectifié de vous-même, j'en suis persuadé. Vous êtes des spécialistes de la chanson française. Alors on revient au milieu des années 70. Notre chanteur déploie son immense répertoire, alternant ses propres succès en tant que chanteur, comme Disco, Brasilia, Emmanuel qu'on a entendu, ou encore Aimons-nous vivants en 1989. Et ses compositions pour d'autres artistes, comme Annie Cordy, Dalida, Hervé Villard, ou encore Michel Thor, bien sûr, avec son fameux titre « Emmène-moi danser ce soir » qui se vend à plus de 3 500 000 exemplaires. Alors c'est vraiment quelque chose de faramineux, parce que je pense qu'on ne peut pas comparer le fait d'écouter sur une plateforme de streaming un titre, là bon les chiffres défilent rapidement, et le fait d'aller acheter le 45 tours physique. C'était vraiment un record de vente à l'époque pour Michel Thor. François Valéry, on le retrouve dans « Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson ?» et puis Michel Thor, bien sûr.

puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. On continue à remonter, à parcourir la carrière de François Valéry. En 1981, il chante Dream in Blue en duo avec l'artiste Sophie Marceau. À cette époque, elle était auréolée à l'époque du succès du film La Boum de Claude Pinoteau. C'était en 1980. Alors la chanson devient son plus grand succès personnel avec plus de 600 000 exemplaires vendus. Le chanteur est rapidement, bien sûr, invité à faire les premières parties de différents artistes, notamment Annie Cordy et Mireille Mathieu, avant de se produire pour la première fois à l'Olympia en 1984. Je vous propose de retrouver ce duo, puis une chanson composée par François Valéry pour Patrick Fiori, Mama Corsica. On l'écoute juste après le duo. Have you learned your text? J'ai pas eu le temps, monsieur. Très mauvais prétexte. On ne fait pas ce qu'on veut. Petite romanesque. Ça vous amuse, monsieur? Un petit peu. Have you learned your song? J'ai pas eu envie, monsieur. Tell me what is wrong. Pour le mieux, monsieur. On se moque du monde. Ça c'est pas vrai, monsieur. Oui, un petit peu. Attendez donc que l'on me devine. Voulez-vous des bonbons? Qu'il est con. Thank you. Alors, quelques petites précisions sur la chanson qui va suivre, interprétée donc par Patrick Fiori. Il représentait l'Eurovision, le pays, c'était la France, c'était en 1993. Et sachez qu'il a fini quatrième de ce concours qui se déroulait en Irlande. Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim. Mama Borsuka, elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle. Mama Borsuka, elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire. Mama Borsuka, il paraît même que le bon Dieu, il en est tout fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama Borsuka, stasera cantemo in corso per te. Mama Borsuka, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Mama Borsuka, au monde. Si le monde chantait en Corse pour te saluer. Elle prie toujours pour ses garçons quand ils sont loin de la maison. Mama Borsuka, elle sourit quand on pense à elle, elle aime bien qu'on lui soit fidèle. Mama Borsuka, n'allez pas croire tout ce que l'on dit, au fond c'est elle qui nous unit. Mama Borsuka, tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence, tous ses enfants le sont corse. Mama Borsuka, stasera cantemo in corso per te. Mama Borsuka, Mama Borsuka, un mondo da oggi stasera che per te. Mama Borsuka, come si le monde chantait en Corse pour te saluer. Mama Borsuka. Dans les années 80, François Valéry signe deux énormes tubes populaires, Elle danse Marie et puis Aimons-nous vivants. On va revenir sur chacun de ces deux titres. Tube de l'année 84, Elle danse Marie a été créé un an plus tôt dans la maison de Dalida, dans le sud de la Corse. Et quoi vous dire ? Eh bien écoutez, au début de ces années 80, notre François Valéry est au zénith du succès. Il estime alors qu'il a déjà vendu plus de 8 millions de disques, dont plus d'un million de Dream in Blue qu'on vient d'écouter, son duo avec Sophie Marceau. François Valéry et Dalida sont très proches. Ils ont notamment un ami commun, l'attaché de presse Denis Gouaz. Au cours de l'été 83, la chanteuse invite François, avec qui elle travaille sur Lina Morata, à passer des vacances en Corse du Sud, dans sa superbe villa de 400 mètres carrés, dominant le golfe de Porto Vecchio. C'est là, au cours de cet ensoleillé été, que François crée la chanson « Elle danse Marie ». Un soir, après une journée passée au bord de la grande piscine, Dalida entraîne de ses amis, dont François Valéry, a dîné dans une vieille taverne de Porto Vecchio. Et au cours du dîner, la bande rit, se raconte des potins et refait le monde. L'ambiance est si bonne qu'il décide de prolonger la soirée dans une discothèque à la mode. Et ce soir-là, dans le club, le DJ passe à plusieurs reprises Billie Jean, le nouvel extrait de l'album Thriller de Michael Jackson, qui remporte un immense succès depuis sa sortie quelques mois plus tôt. Le lendemain matin, de retour à la Marina di Fiore, François Valéry, qui a entendu toute la nuit précédente Billie Jean, se met à composer une musique en s'inspirant du rythme créé par Michael Jackson et Quincy Jones. Ainsi naît Elle danse Marie. De retour à Paris, François demande à l'auteur Gilbert Sinoué d'imaginer un texte pour habiller sa musique. C'est ainsi que Marie, une jeune lycéenne de banlieue qui fuit son sombre quotidien en dansant, va devenir l'héroïne de cette chanson et se positionner aux premières places des hits au printemps et au début de l'été 84. Je vous propose de retrouver François Valéry et puis Michael Jackson. Faites le comparatif. Les gens se disent qu'il faut être fou de vivre avec un Walkman toujours branché. Marie, elle s'en fout. Son père lui dit que c'est un garçon manqué. Au début, ça la faisait pleurer. Maintenant, elle danse, Marie, elle danse. Jet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. She was more like Allez, je vous propose de revenir sur un autre immense succès de François Valéry. Ça se passe pendant l'été 89. Aimons-nous vivants lui permet de retrouver les premières places du top 50. Une chanson imaginée en assistant à des obsèques. Ce titre éclatant de vérité donne à réfléchir tout en donnant envie de danser. À la fin des années 80, François Valéry est un auteur, compositeur, interprète bien installé, qui signe donc de nombreux succès, on est d'accord. Et au printemps 89, alors qu'il prépare un nouvel album, il perd un ami très proche. Lors de la cérémonie des obsèques, en entendant toute l'assistance dire les plus belles choses sur le défunt, François a l'idée de composer une chanson pour dire justement qu'il faut s'aimer vivant. La musique terminée, il demande à son ami Pierre Delanoë, qui lui a déjà écrit de nombreux succès comme Emmanuel ou Dream in Blue, de créer un texte sur le thème de la reconnaissance des talents et des qualités d'un être avant qu'il ne soit trop tard. Quelques temps plus tard, l'auteur aux 5000 chansons lui apporte un premier texte qui ne convient pas vraiment à François. Il demande alors à un autre auteur de talent, Michael, de réfléchir à d'autres paroles sur le même thème. Finalement, il choisit ce deuxième texte pour habiller la musique qu'il a composée. François insiste cependant pour que Pierre Delanoë co-signe ce texte, considérant que son travail préliminaire a eu toute son importance. Le 45 tours sort en juillet 1989 et devient rapidement un immense succès au point de se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Comme une envie de dire je t'aime, quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Et mon nous vivant. Pendant l'été 90, sa reprise de la même chanson de Claude François parvient à se hisser jusqu'à la 20e position des hit-parades. François Valéry a également travaillé régulièrement à l'écriture de musiques de films et de séries, également telles que Joe de Sergio Bergonzoli, Un été d'enfer de Michael Schoch, Les Nanas, Joy et John, L'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire de Philippe Clair en 1990, également Les Grandes Marées en 93 et Les Filles du Lido en 95. Sachez qu'il a été décoré chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1998. Alors qu'est-ce que c'est ? L'Ordre des Arts et des Lettres, c'est une décoration honorifique française qui est gérée par le ministère de la Culture et qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. On va écouter, c'est la même chanson, mais cette fois-ci la version originale par Clo-Clo, Claude François. En 2001, François Valéry participe à la comédie musicale « L'ombre d'un géant ». Elle raconte l'histoire d'un chanteur disparu qui refait mystérieusement surface sous une autre identité. La première du spectacle avait eu lieu le 12 février 2002 au Théâtre Mogador de Paris, avec notamment Rose Laurence, Sophie Delmas et Jonathan Kerr dans les rôles principaux. Les critiques sont mitigées et l'album de la comédie musicale se classe seulement à la 103e place des ventes d'albums. L'ombre d'un géant s'arrête le 24 mars de cette même année, au bout de 42 représentations, car la société de production de François Valéry est placée en liquidation judiciaire. Au cours de cette période, c'est-à-dire de 2002 à 2008, le chanteur a été contraint de mettre sa carrière entre parenthèses, en quelque sorte, et a rencontré une période de dépression. Sachez également qu'il participe en 2013 à la 8e tournée Achetendre et Tête de Bois, rendant hommage aux chanteurs des années 60 et 70, notamment comme Dave ou encore Jean-Jacques Debout. L'année suivante, il sort un album, un nouvel album, Je suis venu te dire, son premier en 17 ans, qui se classe à la 82e place du top album, notamment soutenu par le single Nos DJ font danser le monde. On va écouter ce titre. Sachez qu'en 2019, il entame une série de concerts dans toute la France. Nos DJ. Et nos DJ font danser le monde. Et bon, on t'écoute, oui, François. Oui, même ça, je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous fondent, jusqu'aux voix des volcans qui répondent. J'avais oublié la chaleur des fleurs de l'amour, soleil sauvage qui danse la nuit, sans jamais rien promettre au jour, ni à aucun homme. J'avais oublié qu'un sourire faisait des chansons, comme la pluie sur nos visages, sans paix nos larmes avec le vent, et que c'était bon. Et nos DJ font danser le monde, oui, comme ça je l'avais. Et le son que leurs âmes nous pondent, jusqu'au roi des volcans qui répond. J'avais oublié même que la chance avait du cœur, et que le cœur avait aussi la chance d'avoir un frère, une sœur, qu'on appelle musique. Et le DJ, c'est un dieu sur le toit du monde, bras levé qui joue sur un arc-en-ciel, déchirant les envies qui s'étiolent, dans un torrent de cœur et de corps qui s'envole. Et nos DJ font danser le monde, oui, comme ça je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent, jusqu'au roi des volcans qui répond. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And the DJ burns his life on feeling on the floor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And the DJ burns his life on feeling on the floor. Et j'avais oublié que c'est le... Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Cette adresse internet, elle n'a plus de secret pour vous, puisque vous savez que c'est là qu'on peut retrouver tous les podcasts de nos émissions, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, juste après la diffusion sur l'antenne. Quelques mots de la vie privée de François Valéry. En 86, il s'est marié avec l'actrice Nicole Calfan et il divorcera en 1993. Ils ont ensemble deux enfants, Jérémy, né en 86, et Michael, né en 90. Le premier est devenu réalisateur et le second, DJ. Sachez aussi qu'il aurait vécu une courte relation amoureuse avec Love Amour, ancienne danseuse du Crazy Horse. On va se quitter avec un live comme d'habitude. Il nous interprétera Ma Femme et je vous dévoile juste après qui nous retrouvons la semaine prochaine pour notre émission Coup de cœur. François Valéry, Ma Femme. C'est mon enfant, c'est mon sourire. Et pour ce faire, si l'on n'est pas marié. C'est la fin de ce coup de cœur spécial François Valéry. La semaine prochaine, qui est-ce qui va être mis à l'honneur? Une des plus belles, une des plus grandes voix françaises, puisqu'il s'agira de Lara Fabian. Quelques secondes pour vous souhaiter une très bonne semaine à venir et puis le rendez-vous est pris à 17h jeudi prochain sur cette même antenne 94.2. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt. Salut.